Daniel, je sais pourquoi, chapitre 14, l'incarnation. L'émotion est véritablement le vecteur principal dans le monde spirituel. Il n'y existe aucune mesure, aucun horizon ni dimension sur lesquelles nous pouvons baser l'équilibre. Nous ne devons notre mouvement et les sensations qui s'y rattachent qu'à nos propres sentiments. Il est étrange de voir se construire autour de soi les éléments démonstratifs de nos humeurs. Des décors qui se suivent au gré de notre mental. Ce sont des projections sans élan ni but, puisque le nouveau décor envahit l'espace de notre vision sans que nous puissions en définir le début et la fin. Je me retrouvais là, devant mon futur père devenu un homme mûr. Je le revoyais encore si petit, joufflu et souriant. Le voici prêt à accomplir l'acte de la paternité, et moi-même au-devant de mon épreuve, ma dernière peur, avant que j'exerce la mission que le groupe Octa m'annonçait. Passé, présent, avenir, tout se chevauchait en mon esprit. Les éléments qualitatifs de mes épreuves défilaient devant ma conscience, sans ordre ni message précis. La vision de mon futur père engendrait en moi de fortes émotions difficilement maîtrisables, d'autant plus que l'épreuve de l'incarnation existait en mon cœur. C'était une sorte de soif, un besoin ineffable. Pourtant, l'autre partie de moi-même refusait l'événement. Cette incarnation que je ne pouvais éviter. Ô Dieu, je me sentais glisser lentement, tiraillée entre un oui et un non, une indécision que je refoulais. La distance qui me séparait de la chair de mon père diminuait. L'évidence de la relation s'accroissait et une sorte d'étreinte commençait. Mon guide resta à mes côtés, me disant « Vois-tu, Daniel, tu ressens les prémices de ton incarnation. » « Oh, si vite » dis-je, diminué, contrarié. « C'est ici, il fallait y aller. Je pensais pourtant avoir plus de temps devant moi. « Il faut te laisser aller, » rajouta mon guide. Je soupirai. Devais-je me servir de la force qui me restait pour refuser? Mais les visions se succédaient toujours plus vite. Les paysages et les maisons changeaient furtivement. Je devinais que tout ceci était le résultat du déplacement de mon père. Mon guide dit « Tu vis ici la distance nécessaire entre le début terrestre de ton incarnation et ta naissance. Tu n'es pas inconscient, mais ton angoisse te masque une partie des faits. Tu es présent dans l'astral de ton père, influençant en cela même la composition de ta gestation. Je me souvins alors de cet esprit qui allait devenir l'enfant de Suzanne et des prémices de son incarnation, et je voulais aussi être conscient dans toutes ces étapes. Je croyais m'être préparé à tout cela. Je voulais être acteur de ma naissance et non la subir. Je pressentais en ce moment-là que mon incarnation allait être une douloureuse épreuve. Les déplacements continuaient et je semblais accroché à cet homme. Je le regardais marcher en flottant autour de lui, hébété, sans savoir où il se dirigeait ni ce qu'il faisait réellement. Tantôt au-dessus de lui, puis en dessous, devant, derrière, le précédent poussé vers un endroit que je ne visualisais pas. Les choses devenaient troubles. Seule la silhouette de mon futur père était précise. Je n'avais plus le parfait contrôle de moi-même, lié à cet individu par un lien invisible plus solide que 1000 chaînes d'acier. Inquiet, j'essayais de comprendre les discours que difficilement j'entendais, m'efforçant de reconnaître les visages qui soudainement m'apparaissaient, ça et là, surgissant du trouble envahissant. Où était mon guide? Et la dernière étude que je vivais dans la rédaction du journal? Tout ceci me paraissait bien loin. Je me laissais aller, emporté par l'élan d'une vie que je ne connaissais pas. Les tenants et les aboutissants ne m'apparaissaient plus. Les forces me manquaient, impossible de redresser la situation. Devant naître sur terre, je voulais que cela se fasse paisiblement. Mais non, la Providence en avait décidé autrement. Alors je subissais cela, comme un pauvre bougre, ballotté au gré de circonstances indépendantes de ma volonté, comme un vulgaire drapeau frappé par le vent. Je désirais m'extirper de ce mauvais pas, mais une partie de moi-même y restait attachée, comme si, au passage, j'avais accroché ma doublure à quelque chose. L'incarnation que je redoutais devenait un nouvel enfer. Plus de temps, ni de présent, plus de jour, ni de nuit, les repères terrestres n'existaient plus à nouveau pour moi. J'étais dans une perte de conscience. Où sont donc les paramètres que l'on détermine, les mesures que l'on établit avant sa venue au monde? je ne ressentais que la matière qui, immanquablement, s'organisait autour de moi, coulant mon être dans un emplâtre lourd et handicapant, m'accompagnant vers la naissance au-delà de ma raison. Mais une partie de moi-même voulait cette incarnation, supportant difficilement l'idée qu'en moi existe un antagonisme. Je subissais les pensées et les gestes des autres. Tout à coup, dans le dédale de mon épreuve, je reconnus le regard d'une femme. J'identifiais ses yeux comme étant ceux de la fille de Suzanne, ma future mère. L'étreinte se resserrait. La seule présence de cette femme secouait mon être entier, trébuchant et rebondissant comme le ferait un corps mort accroché à une voiture. Oh mon Dieu, quelle surcharge ! Ma connaissance, mon seul acquis, était ma conscience, ma mémoire. Cette naissance devenait la seule solution pour m'en sortir. J'entendais au loin la voix de mon guide. Il tentait de me rassurer. Je pense même qu'il accusait un léger sourire. La structure de mes visions se teintait de rouge clair presque rose, parsemée de larges traits bleus et rouges très sombres. À chaque fois que je voyais cette ambiance au milieu de tant d'autres, un son l'accompagnait, sourd et répétitif, comme le ferait un cœur. Des visages continuaient cependant à s'enchaîner en ma conscience, sans que je puisse les identifier. Arrivé à ce stade, je finis par ne plus résister, je me laissai aller. Une partie de moi se calma, retrouvant une certaine paix. Ma raison ne se perdait plus en conjectures, mais s'efforçait de comprendre les différentes étapes de ce passage. Mes visions spirituelles diminuaient devant celles qui, peu à peu, s'imposaient à moi. Une sorte d'atmosphère trouble et aqueuse. Les voix qui sans cesse m'entouraient s'amplifiaient, devenant moins abstraites, plus matérielles et accessibles au sens physique. Additionnellement, un souffle ou une sorte de longue respiration venait remplir le fond sonore de ma nouvelle situation. Au centre de cette ambiance sourde, sans cesse ballottée par un mouvement imprévisible, j'essayais de m'accrocher à la voix de mon futur père, sans pourtant y trouver une familiarité telle que pouvait l'être celle de mon guide. Mais ici, c'était la voix de mon père qui devenait plus audible pour moi. Quant à celle de ma nouvelle mère, elle m'était insupportable, retentissant en faisant vibrer mon corps. À propos de ce corps, qu'était-il advenu du mien, de mon enveloppe fluidique, et sous quelle forme ? Ce décor rougeâtre et chaud me paraissait tantôt très loin, tantôt tout proche. Se mêlait à cette approximation une désagréable sensation d'avaler un liquide épais et étouffant. Intrigué par ce contexte, je tentais de me mouvoir pour atteindre les parois incertaines de l'endroit où je me trouvais. Mais rien, aucun mouvement n'était possible. La seule chose que j'arrivais à obtenir, c'était les râlements de ma mère, hurlant brusquement « Chérie, vite !» Suivant les détails que je reconnaissais, une question me vint. N'étais-je pas en gestation ? Sachant que le temps est relatif, tout était possible, et plusieurs mois sans doute s'étaient déroulés depuis la visite que j'avais faite au travail de mon père jusqu'ici. Au fur et à mesure que ma raison se convainquit de cet état intra-utérin, je finis par percevoir le fœtus, que dis-je, mon fœtus. J'étais alors partagée entre le dégoût et une joie profonde, découvrant au milieu de moi-même une sorte de limace humanoïde sanguinolente. Je restais tout de même étonnée. Confinée ainsi dans un ventre, je ne percevais rien de ma conception. Pourtant, je savais que mon esprit y participait activement. Soudain, le visage de mon guide m'apparut. J'étais heureux. Je me trouvais dans un triste état, ce qui ne semblait pas l'inquiéter. Voici ce qu'il me dit. « Maintenant, les choses vont évoluer très vite. Encore un peu de temps et tu ne pourras plus me ressentir. Ton corps se construit et avec lui, ton acuité spirituelle diminue. L'épreuve de ton incarnation commence et ne t'inquiète pas de ne pas avoir vécu les préliminaires de ton incarnation. Ton esprit est ici sélectif, ne retenant que l'essentiel. Vois et observe ta gestation, peut-être pourras-tu en récolter quelques informations. Un détail restera pour toujours gravé en ma mémoire, une circonstance particulière, la gestation. Pour ma part, elle reste singulière et je n'essaierai pas de la sonder en me perdant dans un jugement de forme. Je me contentais d'observer en voulant tout retenir. Je pouvais voir mon corps fluidique se transformer. C'était étonnant. celui-ci n'existait qu'en plusieurs morceaux, reliés entre eux par de fins liens élastiques, le tout rattaché à un entonnoir de matière fluidique, se matérialisant sur son embouchure pour former à cet endroit un tube de chair veineuse. Cet organe était soudé aux parois de l'utérus. C'est par cet aspirateur que s'écoulait l'énergie de mon périsprit, comme le ferait le sable d'un sablier. Je pouvais voir également les flux d'un liquide et les déplacements de quelques agglomérats de matière. Un spectacle étonnant, extrêmement inquiétant, ma propre métamorphose. La gestation se calquait sur mes vibrations spirituelles. Bien que ce mécanisme biologique me soit encore inconnu, je comprenais là tout son sens. Je remarquais que la fusion du spirituel dans le matériel n'était possible que parce que leur essence était identique. Un certain calme régnait, la chaleur se faisait de plus en plus ressentir, les battements du cœur de plus en plus audibles. Mes perceptions spirituelles s'amenuisaient, ce qui me tordait les entrailles du même coup. En un instant, je songeais que je vivais là les dernières images de mes voyages astraux. Je faisais l'effort de relativiser cela, sachant que le temps et l'espace sont accessoires. Je savais aussi que mon esprit, bien qu'étouffé pour la circonstance, était toujours présent et que je m'appelais encore Daniel. Mais il était tout aussi certain que l'ambiance spirituelle périphérique à ma naissance ne réagissait plus à ma volonté. Alors, je commençais à subir. Je ne pouvais qu'attendre, ressentant le calvaire et l'étreinte du temps, car c'est une autre compréhension qui se mettait en place, un nouveau monde, avec les mêmes désirs, les mêmes devoirs, mais avec des moyens de réalisation plus lents, des règles plus étroites où il faut joindre l'effort physique aux idées, et c'est en cela que la vie sur Terre est douloureuse. Le corps de chair est une épreuve terrible en lui-même. Je raisonnais comme Daniel, mais déjà ma confiance s'échappait. Plus de guide, ni de vision spirituelle venant crever l'espace pour me conduire au rythme des investigations du voyage astral. J'étais seule, sans cet ami supérieur reprenant de voler mes erreurs de jugement ou mes explications erronées. Oh, la vie ! Je voyais bien que celle-ci s'éveillait pour moi au centre de ce ventre, avec une raison que manifestement je n'arrivais pas à sonder. Je comprenais l'utilité de mon incarnation, certainement l'effet d'un lien avec mes anciennes épreuves. Mais plus question d'attendre la visite de l'esprit de ma mère ou de Sébastien. Non, il n'y avait que cette obscurité opaque qui envahissait ma vision. Tout devenait flou, petit, étroit. Mon bébé réagissait à mes angoisses, se tordant comme un ver. Le noir et le silence m'effrayaient. Puis, plus rien. Seul, coupé du monde que j'allais rejoindre ensuite, n'entendant que les battements du cœur de ma mère, la pression du sang dans mes veines et les longs soupirs de nos souffles mêlés. Seul avec mes pensées d'homme perdu dans la matière, attendant, ô mère, l'ombre de ma naissance, cette épreuve qui doit surgir, là, devant moi, dans l'écartèlement des chairs et l'éblouissement par une mauvaise lumière. Dans un dernier sursaut de responsabilité, j'essayais de me rappeler le visage de mon guide. Ô mon Dieu, mais combien de temps me reste-t-il ? Quoi d'autre à subir ? Le moment de ma propre projection, l'instant de vivre, de respirer, de naître. Ce dernier flash de mes souvenirs, de mes derniers instants de lucidité. Je me mettais alors à gémir mentalement, perdant ma raison, ma conscience. Tout à coup, les choses se précipitèrent, les parois de l'utérus qui jusqu'ici semblaient s'écarter de moi se mirent à me comprimer, s'appliquant quelquefois sur mon visage, tout en manifestant de grandes secousses déconcertantes. Au-delà d'une ambiance fébrile qui s'agitait à l'extérieur, j'entendis sourdement une voix râlant et criant, une voix de femme, manifestation d'une souffrance. Comprimé par les secousses, je percevais au milieu de ce noir accablant des flashs de lumière si agressifs que leur puissance traversait la fine peau de mes jeunes paupières. Les tissus s'écartèrent à nouveau, les muscles se relâchèrent, et la vie du dehors irritante, affligeante, s'engouffra dans la bulle maternelle. L'heure, le moment arrivait enfin. Exténué, je voulais en finir. Mais sans tenir compte de ma faiblesse, les secousses redoublèrent de violence, tordant mon corps mou. Je ne pouvais qu'attendre. Mes pauvres bras et jambes s'essayaient à bouger, mais je ne ressentais que cette pénible pression contre mon corps. Puis, le froid m'envahit. Il ne manquait plus que cela. je sentis couler sur mon visage un liquide épais qui, une fois éliminé, me laissa nu, agressé par l'air glacé. Mes yeux de chair se mirent à voir. Les parois de mon nid m'apparaissaient troubles, tremblantes, imprégnées de sang. Le souffle de ma mère augmentait au rythme croissant des battements de son cœur. Je croyais succomber. Le lien veineux et ondulatoire qui me rattachait à ma mère s'était enroulé autour de moi. J'étais faible et sans réflexe. Secouée de temps à autre par les mouvements de ma mère, je sentais sur mon corps riper des objets métalliques introduits dans l'utérus, laissant au passage un trou béant par lequel la lumière blanche devenait plus forte, accompagnée par des bruits toujours plus abrutissants. Quelque chose de passait, quelque chose de grave. « À l'envers, c'est un siège » entendis-je. J'étais terrorisée. Mais, ô mon Dieu, pensais-je, conscient de mon état, laissé entre les mains de ces médecins. Mon cœur s'affolait, mes poumons s'efforçaient de trouver un air inexistant. « Il s'étouffe !» cria une femme. L'on me saisit par endroits pour me tirer. Les manipulations incessantes des accoucheurs finirent par me blesser et déchiraient le ventre de ma mère. La voix de mon père se faisait entendre, fondue dans le propre bourdonnement de mes oreilles. La panique montait dans la salle. Bien que ma vue ait été encore trouble, je distinguais toutes sortes de formes étranges. Je pense qu'à ce moment-là, ma vision spirituelle s'ouvrait à nouveau. Les images du dehors se corroboraient à celles du dedans. On s'agitait, essayant de retenir la vie qui manifestement ne tenait pas à moi. J'espérais que tout allait se terminer ainsi, un espoir de liberté, un recul face à la vie terrestre. Puis, je sentis des mains me saisir par la taille et par les pieds. Mais je ne pouvais sortir. L'on ouvrait alors le ventre de ma mère. Une fois dehors, l'on ne m'a laissé en paix. Le plus douloureux fut la mise en place d'un tuyau que l'on m'introduisit par la bouche. Je me trouvais ensuite dans une bien étrange cage de verre, au-dessus de laquelle se tenaient de curieux hommes, tout habillés de verre. Furtivement, je croisais sans constance le regard de mon père, ressentant son inquiétude. Plus de petitesse, mais un espace menaçant où mon petit corps manifestait ses derniers efforts, se tordant par saccades, haletant et muet. C'est alors que, graduellement, se dessina devant moi la silhouette d'un homme, ou plutôt ce qui y ressemblait. Cette vision inespérée eut pour effet d'attirer toute mon attention. C'est en devenant calme et immobile que je perdis la mesure de l'hôpital, laissant derrière moi l'affolement et la continuité d'un signal sonore irrémédiable. Et enfin, au bout de quelques instants qui me parurent une éternité, je reconnus mon guide avec son sourire invariable. Ce père de toutes mes péripéties venait me chercher. « Ne me laissez pas ici tout seul !» suppliai-je au rythme d'une ascension. À ceci, mon guide répondit. Daniel, ton épreuve est ici terminée. Celle de tes parents commence. La justice s'accomplit ainsi. Ta résignation a éloigné la souffrance. L'incarnation et son besoin ne se mesurera pas dans le temps. Tu peux maintenant te dégager. Viens, viens, Daniel, avec moi. Très vite, je retrouvai mes marques. En fait, il me semblait n'avoir jamais quitté mon guide et mes enquêtes. Tout revenait en place, mes réflexes, mes calculs, mes pouvoirs, mes souvenirs. Mon esprit retrouvait sa clarté. Oh, je me sentais même mieux, comme enrichi, nourri d'une nouvelle verve, prêt à aborder toutes les épreuves du monde. Les souffrances de cet accouchement avaient eu sur moi quelque chose de bon. J'y avais laissé mes préoccupations lointaines, celles que l'on ressent sans en avoir le sens. Un passé comme évanoui par magie. Les cicatrices que m'avaient infligées les épreuves ne paraissaient plus dans les tissus subtils de mon être, tout était lisse, limpide. Alors, je regardais avec une certaine nostalgie le monde que je venais précipitamment de quitter. Sous mon regard spirituel, les choses changeaient rapidement. L'hôpital, les infirmiers, bientôt plus rien ne parut. Seule l'image d'une femme penchée sur une pile de documents persistait à ma vision. Une femme en lutte contre la fatigue. Ma mère, laissée seule, là, au milieu de nulle part sur la terre. Mon guide me dit soudain. « Vois-tu, Daniel, comme le temps passe vite et dans quelle mesure l'accomplissement d'un programme rénovateur peut être fort en conséquence ?» Il t'aura fallu vivre cet aspect de l'existence pour le comprendre vraiment. Toi qui, antérieurement, en un état pas si loin d'ici, pensais ne pas avoir besoin de cette incarnation, affirmant pouvoir vivre le voyage spirituel sans prendre en considération sa consistance dimensionnelle que ton propre esprit invente à chaque instant dans l'éternité. L'esprit est tout puissant sur les événements, non pas parce qu'il peut les survoler ou les escamoter, mais bien parce qu'il les vit tous en un moment. Daniel, te voilà maintenant au préambule de tout un cheminement où ton discours devra être secondé par ta mémoire. Il te tarde sans doute de connaître le moment où tu dois rencontrer ton médium et ses collaborateurs. « Oh oui, rétorquai-je, mais cette fois-ci, sans ressentir d'empressement. » J'étais comme assagie, libérée du paroxysme de l'envie. Je savais que les choses ne pouvaient qu'arriver sans heurts ni frénésie. La vie se déroulait devant moi, sans engendrer de peur ni d'angoisse, sans ce doute que l'on a souvent sur les endroits où nous sommes et les gens qui s'y trouvent. L'image matérielle de ma mère diminuait, l'esprit de mon père Philippe m'apparaissait. Une indication sur sa désincarnation. Je le savais, mon guide m'avait prévenu. Je me hâtais pourtant de le suivre, ressentant d'une certaine manière de la tristesse. Mon défunt père se dirigeait alors, accompagné par d'autres spectres venus de tous azimuts, vers une sombre demeure. Tel un automate, il s'engouffra dans l'entrebâillement d'une immense porte. Je décidai de le suivre. Mais aussitôt, mon guide me retint en m'attirant à lui. Puis, par son élan, il me fit traverser plusieurs régions terrestres manifestant tristesse et manque d'éveil. Pauvre humanité, conflits, guerres, cruautés, meurtres, folies alimentaient sans cesse en âme perdue les hôpitaux bleus de l'astral. Mon guide me dit « Nous allons maintenant nous entretenir avec un autre guide. Oh, dis-je, un autre guide comme vous, dévoué et angélique ?» Que de mots, de formules, rétorqua-t-il, les guides ne sont pas correctement dépeints à travers l'élégance du lyrisme et du sacré. Pourtant, tout vous rattache à l'image que l'on se fait des anges. C'est alors qu'au loin se mit à scintiller une étoile, une lumière particulière. Lentement, elle nous rejoignit dans un léger crépitement. Voici l'esprit Jean, Daniel, le guide spirituel de ton futur médium. Il tient à t'enseigner certaines choses pour que tu puisses correctement aborder ton jeune intermédiaire. Il aura fallu un Jean pour que tu puisses travailler avec cet homme. Une longue préparation a étayé ta venue. L'esprit Jean m'apparut songeur et me dit « Nous avons du travail pour toi. L'ébauche que nous venons de terminer grâce à l'envoi de plusieurs thèmes théoriques sur la nouvelle spiritualité nous a été pénible. Le temps terrestre imparti nous est compté. Ton action sera souvent confrontée au laxisme et à la distraction humaine. La jeunesse de tes interlocuteurs sera plus d'une fois un handicap. Tes erreurs pourront être glissées. N'hésite pas à forcer les pensées et les textes lors de la mise au propre. C'est en t'appuyant sur la passion des hommes et femmes que tu trouveras que tu arriveras au premier stade d'un compromis valable qui plus tard donnera lieu à une consécration. Nous t'invitons à les suivre. Tu visiteras une atmosphère déconcertante, partagée entre la légèreté et l'initiation à la nouvelle étude spirituelle. Tu côtoieras des personnes malmenées au milieu de la tempête des sens et de la cupidité. Mais tu comprendras qu'entre eux règne la sincérité, le désir de s'amender et de partager. Lorsque, secondé par Octa, tu te pencheras sur le médium, agrémente-toi de ses exigences pratiques, rendues nécessaires par peur du mal. Là, la première partie de ton travail sera accomplie. L'esprit Jean se tourna ensuite vers mon guide, manifestant la joie de leur retrouvaille, tels de vieux amis. C'est pendant ce bref instant que je pensais à ma mère, à Suzanne, laissée seule, et à ma nouvelle maman. Encore l'impasse relative de l'épreuve où, durant un certain temps, les esprits peuvent se chercher, se croiser, sans jamais se voir. Le groupe Octa se montra à son tour, annonçant à mon guide l'ouverture de mon approche médiumnique. L'esprit Jean partait lentement. « Alors, dit mon guide, voici ton moment, tout va bientôt reposer sur toi. » En effet, le groupe Octa en formation se positionnait à mes côtés, attendant mon bon vouloir. J'allais enfin connaître les personnages de mon nouvel engouement, de cette mission qui depuis un certain temps m'intéresse au plus haut point. J'étais émue, les circonstances de cet instant décisif étaient grandioses. J'en oubliais tout le parcours qu'il m'avait fallu réaliser avant d'arriver jusqu'ici. Mais le temps est incertain par ce côté-ci de la vie. Le regard de mon guide en disait long. Je remarquai bien qu'une forte émotion se dégageait de son être entier. Il devait être fier de moi. C'est ce que je pensais sur le coup, ce qui me valut un hochement délicat de sa tête. Je lui demandai soudain : « Oh, mon guide, vous venez avec moi ? Vous n'allez pas me laisser seule ? J'ai besoin de votre assistance, de votre seule présence. Votre rayonnement suffit à me contenter. » « Va en paix, dit-il, ne t'inquiète pas, je ne serai pas loin. Puis aujourd'hui, tu dois te consacrer seul à ce travail. Le mien touche ici un peu à sa fin. Maintenant, ton voyage ne se fera plus à travers les espaces spirituels, mais dans les couloirs de ta mémoire où ton propre cœur t'en montrera le sens. Une suite d'anecdotes et d'aventures qui, selon toi et le service de ton intelligence, auront une répercussion particulière dans les esprits de ceux qui te liront. » Va, Daniel, Octa t'attend. Va rejoindre ceux qui ont besoin de toi, comme tu as eu besoin de moi. Sois donc pour un temps leur guide. Aime-les comme je t'ai aimé. Essaye d'être patient devant l'effort et n'exige rien de personne si ce n'est de toi-même. Je l'aimais, mon guide. Il restait là, devant moi. Je voulais l'embrasser, le prendre dans mes bras vaporeux. Oh, je me souviendrai toujours de cet instant ressemblant à ces départs où deux êtres unis par de fortes émotions doivent se séparer. Alors, me retournant vers Octa, à mon tour, je leur fis signe de la tête, comme pour dire « Allons-y, la voie est libre, droit devant. » Sans tarder, nous nous mîmes à avancer. Je n'osais me retourner et regarder mon guide. Un pincement au cœur me saisit soudain, une angoisse. Je réalisais que, prochainement, moi, le pauvre Daniel, j'allais devenir le troubadour de l'au-delà, comme j'aimais à me le dire. J'entendais dans mon fort intérieur résonner la voix de mon guide. Elle disait « Va, Daniel, ne te retourne pas sur ton passé, sur un amour ou sur un contexte, mais réserve-toi en entier sur ce moment crucial qui devient ta demeure. » J'étais quant à moi supportée par la puissance d'Octa. Je ne sais pas combien de temps a duré ce voyage, ce déplacement, ni combien d'endroits nous avons traversés, mais ce fut beau. Beau et touchant à la fois, où, en l'espace d'une pensée, je rencontrais la vie terrestre, berceau de mon éveil.